comme on fait sur Reaper. Quand on va enregistrer EZ Drummer, mais pas à pas. C'est quoi la fonction? Record mode, c'est quoi le record mode? T'as normal. Normal. Merde, option. Record mode, normal. Mode time selection, auto punch. New recording that overlap existing media item. Ah bah c'est ça. New recording that. Putain, baisse le bouton. Comment il faut faire là pour enregistrer par-dessus la batterie? New recording that overlaps speed existing in time. Alors. And create new take, tram existing, create new medium. Bon, on va dire que c'est ça. Bon. Tu dois cliquer sur auto punch, hein? Tu vas te faire auto puncher. Mais ça marche pas auto punch, tu vois. Ah non, là, directement. Oui. Tu vas cliquer sur auto puncher. New recording, là, c'est vrai. Auto punch. Ah, je crois que j'ai trouvé. Bon, on va essayer. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, par contre, ça synchronise pas. Il s'est fait auto-puncher. Il s'est fait auto-puncher. Est-ce que ça va revenir dans la boucle? Il s'est pris un poteau. Ah merde, ça enregistre ma voix. Les yeux fermés, il marchait. Ça va pas être ça. Auto-punch. Je crois que c'est pas ça. Fasse tout à chaque fois, c'est pas la bonne fonction. Ah, ça me fait 50 pistes. Ah, ça peut être ça. Auto punch, non. Ouais, mais c'est dans. Attends, je suis en train de lire ce que tu marquais. Option. Record mode auto punch. Et il y a select item. ça m'enregistre deux pistes. Il y en a une qui se met en blanc, une qui se met en gris. C'est pas normal, non? Je sais pas. Là où j'ai pas compris. Ça m'enregistre bien deux pistes, mais ça me les met pas. J'ai peut-être pas fait ce multitrack métier. Bon, faut que j'aille manger, j'ai faim. Thank you.